Chapitre 51. Ladoff attendait ses hôtes sur le seuil de sa porte à claire-voix. Son domaine n'était pas fastueux, mais il possédait, ce qui vaut mieux que le luxe mondain, de grosses vaches et de beaux moutons. Enfoncé jusqu'aux genoux dans l'herbe de la steppe, il regardait la route avec impatience. Les ombres de ses arbres s'allongeaient déjà sur le sol, et il craignait de voir cette journée s'écouler sans lui amener ses amis. Moussa, devenu non plus sauvage, mais timide, s'était approché plus d'une fois pour interroger le chemin comme lui, mais il s'était retiré avec précipitation toutes les fois qu'il avait voulu la retenir. Moussa avait grand-peur des dames qui allaient arriver, et pourtant elle avait grande envie de les connaître. Comment pouvaient être faites des dames qui allaient dans le monde et qui jouaient du piano? Elle regrettait presque de voir troubler sa solitude, que depuis quelques semaines elle partageait de bon cœur avec André. Cependant, la curiosité naturelle l'entraînait au-devant des êtres inconnus qui allaient lui ouvrir une échappée de vue sur le monde. Dans ce petit cerveau fantasque, un grand travail s'était fait peu à peu. Les histoires que lui racontait André, quelques livres qu'il lui avait fait lire, lui avaient appris l'existence d'une société où les mœurs de la steppe n'étaient point en usage. Elle avait compris l'étrangeté de sa manière d'agir. Elle s'était rendue compte des droits de Ladoff sur cette demeure que jusqu'alors elle avait considérée comme la sienne, malgré tous les arguments employés pour la dissuader. Avec la conviction qu'elle n'était pas chez elle, que par conséquent elle jouissait de l'hospitalité du jeune héritier, était entrée dans son esprit la honte d'avoir agi comme elle l'avait fait, tout cela très vague, à l'état de sensations obscures et non de raisonnement. Mais ses méditations nouvelles l'avaient rendue timide. Avec la timidité, la pudeur était entrée dans son âme. L'histoire de Bella lui avait révélé ce qu'on appelle l'amour, et elle s'était aperçue que Ladoff tenait dans sa vie la première place désormais, puisque son vieux père dormait sous les arbres du cimetière à quelques verstes de là. Ainsi, mûrie tout à coup, Moussa avait formé une grande résolution qu'elle ne pouvait exécuter seule, et pour laquelle elle espérait un secours de ceux qui allaient venir. Un rayon de soleil rouge éclaira sur la route un petit nuage de poussière. « Les voilà !» s'écria Ladoff en se retournant vers sa petite amie. Celle-ci avait disparu. Le nuage de poussière se rapprochait vite, car les postillons russes se font un point d'honneur d'arriver au galop. Les deux tarantas qui voituraient les artistes et leur gloire s'arrêtèrent devant la maison de briques, et André se trouva serré dans les bras de ses amis avant d'avoir eu le temps d'offrir la main aux dames. Quand Hélène et sa mère eurent touché la terre, opération des plus faciles pour la jeune fille, mais non sans danger pour Madame Mianoff, on se regarda un peu ahuri de part et d'autre. Puis, après les présentations nécessaires, tout le monde se dirigea vers la salle à manger. À l'inexprimable surprise d'André, Moussa se tenait debout près du samovar, devant une table couverte de linge blanc et garnie d'une collation fort appétissante. Le brave garçon avait donné quelques ordres à la servante, mais il était loin de s'attendre à ce que sa petite sauvage payât de sa personne. Il l'en remercia par le plus gracieux des sourires, ce qu'elle accepta comme son dû, avec beaucoup de dignité, et une rougeur qui la rendit charmante. Au bout d'un quart d'heure, elle répondit à Hélène par monosyllabes, il est vrai, mais avec une grâce timide qui lui gagna aussitôt le cœur de la jeune artiste. Le lendemain, de grand matin, Demian et Victor allaient rejoindre André, qui se promenait les mains derrière le dos dans les allées de son potager. « Eh bien, » fit Demian, « ma lettre a-t-elle porté fruit ?»« Que dit le grave Victor de ce projet saugrenu ?»« Je dis que mon frère a raison. Je n'aurais peut-être pas songé à ce dénouement, mais je l'approuve. C'était à Demian de le trouver. Il y a des grâces d'État. »« Eh !» fit Ladoff en passant familièrement son bras sous celui du jeune violoniste. « Des grâces ?» « Quelle grâce et de quel état ?»« Rien, » murmura Demian embarrassé. « Rien du tout. » Victor plaisante. « Alors, tu te maries ? Quand ?»« Quand Moussa voudra. Lui en as-tu parlé ?» Ce fut au tour d'André de paraître confus. Il hésita, voulut parler deux ou trois fois, ne sut trouver de mots, et finit par rire. « Quel imbécile je fais » dit-il en prenant son courage à deux mains. « Non, je ne lui en ai pas parlé. Pourquoi ?» « Puisque je vous dis que je suis un imbécile, j'ai peur qu'elle ne refuse. » Nos amis se regardèrent, inquiets. En effet, si elle allait refuser. « Veux-tu qu'Hélène lui en parle ?» suggéra soudain Victor, le visage illuminé par la joie d'une si belle invention. « Je crois bien, » s'écria la Dove. « C'est une excellente idée. Elle est charmante, votre Hélène. Et toi, Demian, pourquoi ne l'épouses-tu pas ? C'est la femme qu'il te faudrait. Elle paraît aussi sensée que tu le peux, hein ?» Cette fois, ce fut Demian qui prit un air penaud. « As-tu peur aussi qu'elle te refuse ?» continua la Dove, sans penser à mal. Demian n'avait pas envie de rire. Victor non plus. Et pourtant ils éclatèrent tous trois en même temps de la mine les uns des autres. « Elle t'a refusé ?» fit André d'un ton doctoral. « C'est écrit sur tes oreilles rouges, mon ami Demian. Ne me garde pas rancune, et tâche de ne pas me faire loger à la même enseigne. Tu n'es pas vindicatif, non ? Tant mieux. Sers-moi, et je te servirai. C'est la devise de l'homme prudent et des sociétés de secours mutuelles. » Quelques heures plus tard, Hélène, toute troublée de la mission qu'elle avait acceptée, rejoignit Mouza sous la tonnelle de houblon où elle avait versé tant de larmes sur le roman de Lermontov. La petite sauvage sourit en la voyant s'approcher. Elle se tenait à l'écart des nouveaux venus par timidité, mais elle était bien contente de se voir recherchée. Elle fit place à Hélène sur le petit banc vermoulu, et toutes deux restèrent silencieuses pendant un moment. C'est la jeune musicienne qui rompit le silence. « C'est joli ici, » dit-elle de sa voix harmonieuse. « N'est-ce pas ? » s'écria Mouza, heureuse de pouvoir s'enthousiasmer tout à son aise. « On doit y vivre heureux, » continua Hélène. « Vous y êtes heureuse, n'est-ce pas ?» Mouza, rejetée soudain dans ses perplexités, devint triste et inquiète. Elle ignorait l'art de ménager les transitions. C'est pourquoi, après un moment d'hésitation, elle prononça la phrase suivante, bien faite pour surprendre. « Voulez-vous m'emmener avec vous ? Vous voulez vous en aller ? Il le faut bien. J'aurais dû partir quand il est venu. Mais je ne veux pas aller chez l'homme d'affaires, je le déteste. Je voudrais aller avec vous. Où ? Je ne sais pas, » fit Mouza avec un soupir. « Où va-t-on quand on ne peut plus rester chez soi ? C'est-à-dire, pas chez moi, puisque cette maison lui appartient, mais... » Elle s'arrêta. C'était bien difficile à exprimer pour un cerveau si peu adonné à la recherche de pareils problèmes. Hélène saisit l'occasion qui se présentait. « Il ne veut pas que vous vous en alliez, Mouza ? » dit-elle, en caressant la main brune de la jeune dame disciplinée. « Il veut, au contraire, que vous restiez toujours ici. Il voudrait que cette maison où vous êtes née devint la vôtre, afin d'y vivre et d'y mourir avec lui. » Mouza regarda cette personne tranquille qui lui disait des choses si étonnantes et vit qu'elle parlait sérieusement. « Comment ? » dit-elle, hésitante. « Il n'y a qu'un moyen, Mouza. Ce serait de prendre la maison avec son propriétaire. Est-ce que vous avez de l'amitié pour M. Ladoff ?» La jeune fille rougit, soudain. « Il est bon, » dit-elle avec vivacité. « Il est très bon et très obéissant. Il a toujours fait ce que je lui ai dit. » Si André l'avait entendu, il eût été médiocrement flatté du panégyrique. « Alors, vous l'aimez ?» Mouza ne répondit pas. « Voudriez-vous passer votre vie entière avec lui ou bien le quitter pour aller ailleurs, comme vous le disiez il y a un instant ?»« Il est bon, » répéta l'ingénue sans oser lever les yeux. « Vous consentirez à l'épouser, n'est-ce pas ?»« L'épouser ?» fit Mouza en se levant. « Il veut m'épouser ?»« Sans doute. Que pensiez-vous donc ?» Le visage de la pauvrette se couvrit de rougeur. Elle était fille d'une paysanne de la steppe, et l'on n'avait jamais bien su si le vieil intendant l'avait épousée ou non. Mouza avait entendu parler de cela, car les enfants du village voisin ne lui marchandaient pas les injures dans leurs dissensions enfantines. Et l'idée du mariage était pour elle une sorte d'Éden rêvé mais inabordable. « Voulez-vous l'épouser ? » reprit Hélène avec sa grâce extrême. « Être pour lui une bonne femme soumise et dévouée jusqu'à la mort, pour lui aider à supporter les mauvais jours et se réjouir avec lui des bons, c'est cela le mariage. C'est le dévouement des deux parts, et il vous protégera, il vous aimera. « Il m'a déjà protégé, » balbutia la fillette. « Où est-il ? » « Dans le jardin potager, il attend votre réponse. » Sans proférer une parole, Mouza se leva, et contrairement à son habitude, elle marcha posément jusqu'à la porte du potager. Elle ouvrit la petite barrière, et entra vaillamment dans l'allée où la Dove se promenait tout seul, ruminant ce qu'il appelait sa bêtise. Au bruit des pas légers de Mouza, il se retourna. Elle vint tout près et s'inclina devant lui à la manière des paysans. « Qu'est-ce que c'est ? » demanda-t-il d'un ton bourru, pensant qu'elle n'avait pas vu Hélène ou que quelque frasque de son esprit capricieux la poussait à une plaisanterie enfantine. « Je suis ta femme et ta servante, » dit humblement Moussa, qui sentit ses yeux s'emplir de larmes. Il la saisit dans ses bras et la souleva de terre avec un cri de joie. « Tu m'aimes donc ?» lui dit-il, en la reposant sur le sol, mais sans cesser de la tenir embrassée. « Je ne sais pas, mais je sais que je ne peux pas vivre loin de toi. Je voulais m'en aller, et c'était si dur. Je pense que je n'aurais jamais pu, je serais revenu. » Il la regardait, ravi, avec une pointe de drôlerie dans le regard. « Cela ne fait rien que je te dise « toi », n'est-ce pas ?» continua Moussa. « Avant ton arrivée, je n'avais dit « vous » à personne, excepté à l'homme d'affaires, et je ne sais pas si je lui avais jamais adressé une parole depuis que je suis né. Cela me gênait bien de te dire « vous ».« Ne te gêne plus, » s'écria Ladoff, en riant pour tout de bon. « Le paradis est ouvert. Nous allons être heureux comme les petits oiseaux que tu m'as défendu de chasser. » La joie de ces deux êtres remplit bientôt toute la maison. Il fut convenu que la noce se ferait la semaine suivante et que nos amis y assisteraient, puis partiraient le jour même, laissant les époux à leur lune de miel.